Je vous ai parlé un petit peu avant les fêtes d'une organisation ici dans la région de Québec que moi j'aime bien, c'est le Centre de formation en transport de Charlebourg, le CFTC. Ils ont à l'intérieur de cette organisation-là, pas seulement du transport par camion, mais aussi ils donnent des cours de régulation de vol. Un des enseignants est un gars que je connais puis que j'aime bien, Charles-Éric Lamarche. Allô Charles-Éric, comment ça va? Salut Stéphane, ça va bien toi? Ça va très très bien. Les Bird Impact, comme on les appelle, yes. Charles-Éric, sans dire que ça fait partie du quotidien, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, vous autres, les gars de l'aviation. Ben absolument, c'est des choses que j'ai déjà vécues. Moi, je me souviens d'un turboprop lorsque je travaillais pour une compagnie montréalaise. Là, on était à Matane, puis le moteur a avalé un goéland manteau noir. Je peux dire que le goéland a pas fait long feu, mais le moteur non plus. Ouais. Donc, souvent, c'est fatal là, pour un moteur et évidemment pour l'oiseau, ça c'est sûr et certain, là. Mais surtout, c'est lorsque ça arrive à un moment critique comme c'est arrivé à New York au décollage. C'est là où est-ce que l'avion est en montée, et pas du tout à pleine puissance, très pesant aussi, carburant, passagers à bord. Évidemment, bon, on va arriver avec tous nos passagers à destination, surtout, on a beaucoup de carburant à bord, on n'a pas brûlé de carburant pratiquement sur le départ. Fait que c'est extrêmement critique au décollage. Perdre un moteur au décollage, c'est une des pires craintes pour un pilote. Les pilotes sont entraînés pour ça, mais évidemment, l'idéal, c'est d'essayer de revenir le plus vite possible à l'aéroport. Mais là, je pense que le pilote a fait tout un travail. Mais encore là, Charles-Éric, ça doit arriver relativement souvent au nombre de vols qui décollent, au nombre d'avions qui décollent à chaque jour. Ça doit arriver relativement souvent qu'au décollage ou peu après le décollage, qu'il y a quand même un oiseau qui réussisse à s'infiltrer là. Est-ce que ça arrive plus souvent qu'on pense? Plus souvent qu'autrement, ils vont venir frapper les ailes, vont venir frapper la carlingue, vont venir frapper le cockpit. Souvent aussi, les avions sont équipés aussi pour essayer de résister à un impact d'un oiseau en vol sur le cockpit, pas qu'il traverse le cockpit et qu'il aille frapper le visage des équipages, évidemment. Mais un moteur à réaction, peu importe la grosseur du moteur, ça peut être quand même assez fragile pour un impact aviaire. Là, en plus, vous venez d'apprendre que c'était des bernaches. C'est des gros oiseaux. Ça peut peser quasiment 20 livres, là. C'est quasiment une grosseur d'un dinde, là. Ah, c'est ça. C'est des grosses machines. Évidemment, quand ça passe dans le moteur, c'est assez exceptionnel. Donc, c'est évidemment des flammes parce que ça passe dans l'injection, ça passe dans le carburant, ça passe à l'intérieur du moteur à réaction. Et évidemment, un moteur à réaction, c'est pas un moteur de char, c'est pas un moteur 4 temps. Donc, c'est un flot continu d'air qui passe dans le moteur, qui est réchauffé, qui est compressé. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une explosion quelque part et qu'ils vont perdre le moteur. Et pas de l'injection. Pour briser l'appareil, mais pour briser le moteur. Ouais. Et du jet fuel, c'est comme très, très, très inflammable, on se comprend. L'injection se poursuit, là, ça explose encore plus. Du jet fuel, ça ressemble beaucoup à du diesel. Donc, ça prend quand même un point, ça prend de la température élevée pour que ça prenne en feu. C'est pas nécessairement extrêmement inflammable. Ah non? Okay. Donc, ça a un point d'ignition qui est assez élevé. Par contre, ce qui est extraordinaire là-dedans, et je regardais les images tout à l'heure, justement, je finissais d'enseigner, puis j'ai vu ça à la télévision au bureau, puis je regardais l'état de l'avion présentement, c'est assez extraordinaire. Pouvoir amerrir comme ça, c'est assez exceptionnel. Ben c'est ça. Puis dis-moi donc, moi, je suis un néophyte pas mal dans le domaine de l'aviation. Un Airbus A320 comme ça, est-ce qu'il aurait pu, par exemple, atterrir sur une autoroute ou c'est bien trop gros? C'est trop gros. Les ailes sont beaucoup trop larges. Probablement que... évidemment, à New York, là, dans le coin du New Jersey aussi, là, il y a des belles autoroutes à 7, 8, 9 voies. Le turnpike est assez large. Oui, le turnpike, quand tu essaies de virer à ta sortie puis tu es dans la voie de gauche, c'est assez long. Mais il est encombré, par contre, à cette heure-là. Oui, exact. Ça aurait été plutôt difficile. Je pense qu'il a choisi le meilleur choix. La Hudson River, à certains endroits, c'est pas nécessairement très, très profond non plus. Donc, on voit l'avion a quand même resté assez en surface, malgré qu'elle a collé, malgré qu'elle a coulé un peu. Là, on voit le derrière un peu. On dit que c'était à la hauteur des hublots. Les hublots étaient presque à la hauteur de l'eau. Mais donc, quand on disait tantôt, ça flotte un avion, il flotte pas, c'est parce qu'il touche le fond. Oui, le problème est qu'il touche le fond, parce que sinon, ça peut flotter, tout dépendant s'il y a beaucoup de... Là, je pourrais pas m'avancer là-dessus, je suis pas un ingénieur non plus à structure d'aéronef, là. Mais en tant que tel, ce qui est extraordinaire, si les passagers s'en sont sortis, l'équipage, les agents de bord ont fait tout un job. On voit que les gens, ils ont toutes leurs life jackets sur le dos, la plupart. Je vois une dame là, qui a son life jacket directement des US Airways. Donc, ils ont bien préparé les passagers. Puis le capitaine, effectivement, a préparé sa cabine avant l'impact. Il a dit « brace for landing »,« brace for impact ». Donc, ce qui veut dire de prendre la position de sécurité. Puis là, ils se sont placés en position de sécurité. Puis ont pu s'en sortir pratiquement sans blessure aussi, là. Dis-moi donc, Charles-Éric, si l'avion avait été au-dessus de l'Atlantique, là, l'avion aurait été carrément pulvérisé, là, à pleine hauteur, là, au-dessus de l'Atlantique, c'est terminé. Écoute, J'en parlais à Lisa Marie tantôt, et ceux qui ont une bonne mémoire, ceux qui ont écouté un peu les émissions M'aider vont se souvenir de ça peut-être. Ethiopian Airlines, vol 971, tapez ça dans YouTube, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. C'est un avion qui a été détourné, qui a fait un amérissage dans l'océan Indien, parce qu'il n'y avait plus de carburant. Donc, ils ont amerri pratiquement sans moteur. Ils ont amerri près d'une île qui s'appelle les Comoros, dans le coin de Madagascar. Eux autres, ils se sont fraisés comme il faut. Ils ont réussi à sortir beaucoup de passagers vivants de cet avion-là, parce que quand même, le pilote, malgré l'impact, là, vous allez voir quand vous voyez le vidéo, les ailes revolent et compagnie, l'avion se casse en deux puis en trois, là. Mais ils ont quand même réussi à sortir plusieurs passagers vivants de ça, et plusieurs, ça me faisait tantôt, Jérôme, parce que tu parlais qu'on n'écoutait plus les consignes de sécurité. Bah, c'est ça. Moi, je mouille. Écoute, ça me rentre par une oreille puis ça sort par l'autre parce que tu dis, ça arrivera pas. Je sais que c'est pas la chose à faire, là, mais... Une des choses que les agents de bord vous disent en vol comme ça, si jamais on a à amerrir, attendez d'être sorti de l'appareil pour gonfler votre life jacket. Ah oui? Et la plupart des gens qui sont décédés dans le vol d'Ethiopian Airlines, ils ont touché l'eau, ils ont gonflé leur life jacket. L'eau est montée dans la cabine, donc eux autres qui ont monté avec l'eau se sont retrouvés au plafond et sont décédés noyés. Ah ouais. Ceux qui n'ont pas gonflé ont réussi à sortir. Et comme par hasard, il y avait un congrès de médecins sur l'île Comoros. Donc, ils se sont retrouvés à l'hôtel avec à peu près 500 médecins alentour d'eux autres, puis ont réussi à s'en sortir pas mal. Wow. Fait que si vous mettez la main là-dessus sur YouTube, c'est assez extraordinaire. Ça a été toute une belle aventure. Okay. Mais le pilote a réussi quelque chose de vraiment extraordinaire. Ben, et comme aujourd'hui, ben, c'est ça, réussir quelque chose d'extraordinaire, ça a été d'amerrir sur la rivière Hudson. Absolument. Jamais j'aurais imaginé qu'un appareil de cette taille-là, Charles-Éric, pourrait effectivement planer sur l'eau et amerrir sans même s'abîmer. On n'a rien vu, là, en tout cas, peut-être lorsqu'ils vont sortir de l'eau qu'on verra d'autres choses. Mais pour l'instant, l'appareil semble être resté intact. Ouais, c'est incroyable. Non, non, c'est tout un travail, franchement. Puis, tu parlais tout à l'heure un peu des dispositifs là aux aéroports pour chasser les oiseaux. Ouais. À Québec, ici, c'est des coups, on entend un peu, ça ressemble à des coups de 12. Moi, je demeure pas loin de chez vous, Stéphane, donc oui. J'entends les coups de 12 aussi. Ça ressemble à ça, c'est des explosions au propane. C'est ça. Il y en a aussi qui vont avoir des dispositifs, ça simule un faucon qui décolle, donc va faire peur. Et à l'aéroport de Montréal, eux, ils ont un fauconnier qui vient là plusieurs fois par jour et qui va faire le ménage. Donc, le fauconnier se promène entre les pistes durant les accalmies, va faire peur aux oiseaux, va venir chasser les oiseaux. À Québec, on n'a pas besoin d'un fauconnier en tant que tel. Il y en a beaucoup d'oiseaux, mais quand même, bon, évidemment, des fauconniers, là, c'est un fauconnier qui est typiquement, est directement engagé par l'aéroport, qui travaille que pour l'aéroport à Montréal. Okay, donc, il y a plusieurs moyens, là, de faire fuir les oiseaux, mais effectivement, c'est un peu difficile, là, de faire chasser tous les oiseaux. Ah non, c'est clair que c'est impossible. La preuve, c'est que il arrive, et Vince me donnait des chiffres tantôt sur la quantité d'impact aviaire, comme tu as dit tout à l'heure, Charles-Éric, de bird impact, comme on dit aujourd'hui, de bash. Yes. On parlait de en fait 80% des impacts avec des oiseaux impliquant des appareils, là, des avions, ne sont pas rapportés. Et que il y en a quand même quelque chose comme 5000 par année. Aux États-Unis seulement. On parle, par exemple, tiens, de l'année passée où la US Air Force a perdu un de ses appareils justement à cause d'un impact avec un oiseau. Bref, ça arrive quand même assez régulièrement. Que ça arrive et que ça force un amérissage comme celui-là aujourd'hui, ça relève de l'exceptionnel, là, je peux pas croire. Absolument. Puis lorsqu'on va en parler, surtout, ça va être parce que ceux-là qu'on n'en parlera pas ou bien que les mécaniciens ne déclareront pas. Parce que souvent, ce sera pas le pilote nécessairement qui va remarquer qu'il y a eu un impact aviaire. Ça va être le mécanicien après, qui va avoir une trace de sang, qui va avoir une bosse sur l'avion. Ben, c'est que l'oiseau en tant que tel n'a pas été frappé directement, n'a pas été ingurgité par le moteur. OK. Mais tu sais, moi, j'ai déjà vu des impacts avec un renard aussi. On a brisé un jet privé à un moment donné avec un renard à Kingston. Tu sais, des impacts phoniques, là, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Charles-Éric, t'es un enseignant. Toi, tu enseignes au CFTC, ici, le Centre de formation de transport de Charlebourg, en régulation de vol. Oui, monsieur. Les pilotes, et je présume que t'es pilote aussi? Non, moi, je suis régulateur de vol de carrière. OK, ça a rien à voir. Mais quand même, les pilotes ont tous une formation très précise, particulièrement les pilotes de ligne, et doivent aussi se renouveler régulièrement en simulateur. Oui, exactement. Est-ce que ce type de situation-là est simulé dans les simulateurs qui existent, si jamais vous avez à aller sur l'eau parce que c'est votre seule option, voici comment il faut faire. Est-ce que ça, c'est enseigné? Et là, il faudrait probablement parler à un pilote pour un airline. Mais nous, ce qu'on faisait de notre côté, quand je travaillais pour Sky Service Aviation à Montréal, tous nos pilotes étaient entraînés pour se poser avec un moteur. Donc, une perte moteur, c'est pas mal la situation extrême que tu as le plus de chances de rencontrer. Fait que tous nos pilotes étaient entraînés pour se poser avec un moteur, se poser à l'aéroport. Des conditions, c'est ce que Transport Canada demande, à mon souvenir, et là je dis ça on top of my head comme ça, là. Oui. Mais à mon souvenir, ça va être exactement ça qui va se passer. Ça, on va les entraîner. Pour un amérissage, je ne crois pas, ça fait pas partie des règlements de Transport Canada, les pilotes ne sont pas obligés d'entraîner pour ça. Alors, en d'autres mots, c'est encore plus exceptionnel ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que non seulement il a réussi à garder tout son monde en vie, on parle de 4 personnes qui souffriraient d'hypothermie seulement, là. C'est les seuls... les seuls éléments qu'on a d'information. Oui, t'es à 41, là, ceux qui se posent la question. 41 degrés Fahrenheit. Ouais, c'est ça. Il fait 7 degrés tantôt. J'ai checké tout à l'heure, là, à New York. Il faisait moins 7, pardon. Fait que c'est quand même dirigeable. Donc, ouais. Ça ajoute à l'exceptionnel, finalement. Oui, là, absolument. D'avoir réussi ça, c'est incroyable. C'est tout un job. Franchement, là, le capitaine a travaillé très fort. Charles-Éric Lamarche, merci beaucoup d'avoir jasé avec nous. Hey, bonne fin de journée. Salut. Merci. Bye bye. Charles-Éric Lamarche est professeur en régulation de vol au centre de formation en transport de Charlebourg. C'est de plus en plus, là, je trippe, Jérôme, de voir ça aller. À toutes les fois qu'on parle d'un accident aérien, c'est une tragédie. Là, c'est un miracle qui s'est produit. C'est un miracle. Ça. Le pilote a tenté de faire demi-tour vers l'aéroport, selon ce qu'on rapporte. Mais évidemment, garde, il a plutôt décidé de s'en aller dans l'eau, de s'en aller dans les eaux glacées du fleuve Hudson. Pas de décès, rappelons-le, c'est important de le mentionner, c'est pratiquement un miracle. L'avion qui était dans l'eau jusqu'à la hauteur des hublots,